toutour n'est plus long. Mais son petit mot, si j'en mis son action. C'est lo que siente, c'est son mot.